Putain, il est quelle heure là? Oh là là, je suis déjà en retard. Bon allez, j'y vais. 6h30, mon réveil sonne, prêt pour aller à l'école. J'enfile mon sac, mes baskets et je décolle. Arrivé dans la rue, je me dirige vers l'arrêt de bus. Toujours les mêmes gueules, seulement 2-3 gus en plus. 7h40, mon car, comme d'habitude est en retard. Je trouve une place au fond, comme d'hab, toujours à l'écart. Arrivé devant le lycée, il doit être de 8h10. Je passe dans le bureau du conseiller, suis de la directrice. Direction permanence, après une leçon de morale. Vu le nombre de mes absences, c'est normal qu'il râle. 9h, ça sonne, ça y est, me dirige en cours. Je frappe avant de rentrer, je regarde. Regarde la classe et je dis bonjour. Plus de place au fond comme un bouffon, je me mets tout devant. Je n'ai pas mal le son, j'ignore ce qu'ils font et je peine dans le néant. 10h, enfin c'est l'heure de la récréation. Pour moi c'est le bonheur, un petit quart d'heure de discussion. Docteur Kevir, Mister Cafard. Un qui arrive à l'heure et l'autre qui est toujours en retard. Docteur Kevir, Mister Cafard. Un qui a la classe et l'autre est super ringard. Docteur Kevir, Mister Cafard. Un qui arrive à l'heure et l'autre qui est toujours en retard. Docteur Kevir, Mister Cafard. Cafard. 13h20, me faufile dans la file pour aller en classe. Mais j'aperçois Sam qui me dit vas-y on se casse. Trop tard, le prof nous a grillé, on ne peut pas partir. J'en ai marre, je vais passer ma journée à écrire. Je trouve un divertissement, je me fabrique une serbacane. Mais ça m'a vite saoulé ses cours, ça me fait mal au crâne. Je fais des maths et des calculs, je capte rien, je capitule. J'immacule, le mec de devant avec mon stylo plume. Personne ne m'a vu, mais pourquoi tout le monde me suspecte? En plus y'a un terreau sur un cours, je n'ai même pas lu le texte. Je gratte une feuille double, j'essaye de faire ça discret. Pourquoi t'as jamais des affaires? T'es con ou tu le fais exprès? Docteur Kevir, Mister Cafard. Un qui arrive à l'heure et l'autre qui est toujours en retard. Docteur Kevir, Mister Cafard. Un qui a la classe et l'autre est super ringard. Un qui a la classe et l'autre est super ringard. Ta-ta-ta. Allez, tous en rentre deux par deux. Mohamed, tu donnes la main à Noémie. Allez hop! 16h10, après la récré, je pars en EPS. Je vais transpirer, j'aurai plus gel et ça me stresse. Faut que je trouve une combine, je vais voir mon CPE. Monsieur, je suis malade, dans mon ventre y'a comme du feu. Ok, je te crois, mais je dois prévenir ta mère. Waouh, d'un coup ça va, c'est bon, c'est pas nécessaire. Je me retrouve dans les vestiaires avec ce dossard qui pue. Si on l'analyse, je suis sûr qu'il a le typhus. On fait pas de basket ou du foot, la prof est trop conne. Franchement, t'attends, c'est trop bien le badminton. Bref, à une certaine époque c'était. Matin, c'est natation. À 8h du mat en plein hiver, fallait de la motivation. Mais le pire dans tout ça, je crois que c'était le bonnet de bain qui te tirait tellement la tête qu'on aurait dû une classe de coréen. Enfin bon, l'école c'était pas pour moi. Et non, bad boy. J'étais un petit loser qui voulait jouer les bad boys. Docteur Kevir, Mister Cafard. Un qui arrive à l'heure et l'autre qui est toujours en retard. Docteur Kevir, Mister Cafard. Un qui a la classe et l'autre est super ringard. Docteur Kevir, Mister Cafard. Mister Cafard, un qui a la classe et l'autre est super ringard.